pas enseigné à l'école. Mais puis c'est dans ce livre qui s'oppose au monopole. La 5ème République qui amasse du fric sur notre dos. Fais attention, parle pas trop de leurs vices, ils te font pas de cadeaux. J'ai entendu l'appel et vu les erreurs de Sarko. Et puis réviser tout problème, je prends mon droit de veto. Lève les bras et fais yo. Si tu veux baiser l'État, prends part avec le complot. Mène avec nous ce combat, pas bois ta vie, ta seule. Les tributaires de la diriger. Réfléchis juste un instant avant d'aller travailler. Regarde autour de toi, fais-tu confiance en la justice? N'as-tu plus de méfiance quand tu croises la police? Je glisse sur les thèmes en emportant dans mon sillon les bavures du système et la corruption. Règlement de compte, ça sent le règlement de compte. Règlement de compte, ça sent le règlement. Règlement de compte, ça sent le règlement de compte. Règlement de compte, règlement, règlement de compte. Règlement de compte, ça sent le règlement de compte. Règlement de compte, ça sent le règlement. Règlement de compte, ça sent le règlement de compte. Règlement, règlement, règlement de compte. J'ai l'impression de vivre ici et d'être inutile. Quand par manque de raison, le système nous kill. La politique magouille et tout le monde s'en fout. Je crierai mon dégoût pour les générations après nous. Ma voix résonne de l'underground, donc inutile de verser quelques larmes pour un bourgeois qu'on supprime. Ma pensée est celle d'en bas, donc condamné à l'exil. Je représente le pourquoi, la vision et le style. Des fois j'ai l'impression de vivre ici et d'être inutile. Quand par manque de raison, le système nous kill. La politique magouille et tout le monde s'en fout. Je crierai mon dégoût pour les générations après nous. Règlement de compte. Règlement de compte. Règlement de compte. Règlement de compte, ça sent le règlement de compte. Règlement de compte, ça sent le règlement. Règlement de compte, ça sent le règlement de compte. Règlement de compte, règlement, règlement de compte. Règlement de compte, ça sent le règlement de compte. Règlement de compte, ça sent le règlement. Règlement compte, ça sent le règlement compte. Règlement compte, règlement, règlement compte. Règlement compte, règlement compte. 17 diamants, elle garde toujours la main.